organisé, M2RO, Akil, c'est duplex et mal. Comme a dit Kennedy, nous on fuck ceux qui se moquent de notre mode de vie. Et ça c'est notre devise, dans le bas-ventre car on est plein de vie. C'est ce que la voyante a lu dans mes boules. Avec Akil, le grand frère que je n'ai jamais eu. Il est cher à mes yeux, je lui donnerais ma chair et mes os s'il avait super froid. Même s'il me saoule parfois. Fier de mon pote, je bombe le torse. C'est pas ma poule, ni ta pute aux œufs d'or. Il me supporte comme une jambe de bois, il est sage. On sera jamais deux sans toi. C'est un pour tous, c'est tous pour un. Mais dans le rap, c'est un pour tous, mais on est tous là pour rien. Et on débarque, ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN. Ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN. Est-ce que tu sais que les dés de l'amitié sont pipés, quoi que je fasse, ils tombent toujours sur le 4, méfie-toi. Les singes ont déserté les bois. Pas boîte, c'est trois fois rien, mais c'est deux fois plus fort que toi. Ne jette pas de l'huile sur le feu si tu ne veux pas que l'eau te brûle les ailes. J'aide un fou aux rimes à la droite qui crache à sa gauche, galasse à sa droite. Bordel, les bords du fleuve dégueulent. Quelqu'un a trop pissé dans ma gueule. Ne cherche pas, ça sent l'urine dans les bacs. Le ton monte, les loins vite, les moutons dans les bacs. La vie a donné parole à un fou, la raison est en deuil. On lui fourre le doigt dans l'œil. Comme a dit Kennedy, nous on fuck ceux qui se moquent de notre mode de vie. Et on débarque, ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN. Ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN. Duplex va plus vite que la musique. Attention. Ces productions ont cassé le mur du son, tantôt cadenassé et tantôt cadencé. Quand j'écoute ces beats, je ne sais plus sur quel pied danser. La baroude sur chaque morceau. Sur la tête d'un ange, il a dunké dans son arceau. La main dans les nuages, la tête sur les épaules. Il fait danser les éléphants, la souris dans la paume. Je t'écris noir sur blanc qu'on voit la vie en couleur depuis qu'il tient notre image dans le creux de sa main gauche. Il rajoute sans crier des gouttes d'acide dans l'encrier. Ne joue pas avec le feutre, face à lui tu vas perdre. Les plans carottes ne le rendent pas aimable. Il débarque sur la lune, 3 tonnes de marqueurs dans les mâles. Le style est plus vaincant que toi. Il s'occupe pas du rythme et sort des logos en claquant des doigts. Et on débarque, ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN. Ouais, bap dans les bacs, ouais, les babouins toujours en banque. Oh, oh. Tant est les 4 samènes, nous c'est P2A, VW2AN.